fundu toko sala kahele kompamba Mabele toko nyata kahele kinyoso Atoza lina mbongo eba kaka Woko kunda malobi sena mabele uo Mabele toko nyata kahele kinyoso Lo fundu toko sala kahele kompamba Mboka eko toka maka sena mabele uo Mère Véro la Congolaise L'enfant nous t'a posé la caille au compamba Ma belle est au cognac ta caille est guignoso Il en a ton colonne à casse et n'a ma belle C'est un yama boloni, Nicolo et ma belle est au pot Ma belle est au cognac ta caille est guignoso Tantine Ingrid Konongo, maman ma passa, Yokanan Ngaka José, vraie mère, Pépé Akunji. Oh,